France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous, bienvenue en direct en ce dimanche de Pâques au studio 105 de France Musique. Une adolescente boulotte qui est en pleine ségrégation raciale aux États-Unis et ouvre les vannes de l'émission de télé Vedette en permettant aux blancs, aux noirs de se mélanger sans haine. Et puis un fils plein de vitalité qui fait voler en éclats la bienséance de la cellule familiale sans aucun tabou dans une petite maison de campagne au bord d'un étang romantique. Les deux spectacles musicaux à l'honneur ce matin dans 42e rue, on peut le dire, CAD casse les codes sociaux. Il y aura tout à l'heure Opéra Porno, comme son nom l'indique, une création de Pierre Guillois actuellement à l'affiche à Paris au Théâtre du Rond-Point. Et puis Hairspray, une comédie musicale venue de Broadway, au départ un film de John Waters, actuellement sur scène en français à Paris, aux Folies Bergères. Plongeons tout de suite dans l'esprit de Hairspray, un film de John Waters, une histoire qui se situe en 1962 à Baltimore. On est donc sur la côte est des États-Unis. Les hommes, les femmes noires ne s'assoient pas à côté des blancs dans le bus. À la télévision, la grande émission de télé de danse propose une fois par mois une émission pour les danseurs noirs. La ségrégation règne, mais une jeune héroïne, Tracy, va tout bousculer. Sa mère était dans le film de John Waters incarnée par la drag queen Divine. Ce fut ensuite John Travolta qui incarna le rôle au cinéma aux Folies Bergères. C'est Guillaume Bouched qui reprend ce rôle. Voici le tout début de ce spectacle. Nous sommes en fait dans la chambre de la petite Tracy qui se réveille. Et dans un moment assez ironique, puisqu'elle va se balader dans les rues de Baltimore où un sadique est en train de traîner et où on voit cette ségrégation autour d'elle, eh bien, elle se met à chanter son plaisir de se réveiller ce matin à Baltimore. C'est Margot Maillet qui incarne Tracy tous les soirs aux Folies Bergères et qui est ce matin en direct sur France Musique. Déjà ivre mort, il y a aussi mon en direct au studio 105 de France Musique, dans 42e rue, l'orchestre au complet, l'ensemble au complet, toute la troupe au complet de Hairspray. Je me permets de les citer ce matin à l'orchestre, le directeur musical, et au piano, c'est Raphaël Sanchez. Au clavier, également Daniel Glay, on peut l'applaudir. À la basse, Philippe Cadou. Aux percussions, Sandy Laïc. À la batterie, Marc Giglio. Sax, clarinette, flûte, Xavier Kirou, Philippe Nadeau. Trompette, Franck Terla. Trombone, Michael Joussin. Guitare, Jackie Tricouard. Et Philippe Delage. Et quant à... Eh bien, les acteurs, les chanteurs qui sont chaque soir aux Folies Bergères et qui sont ce matin sur France Musique, je vous demande d'applaudir les Dynamites. C'est un ensemble de trois girls, Cerise Salix, Cerise Calixte, Malika Johanny, Candy Vessière-Padonou. Il y a également dans l'ensemble Lola Jubeau, Bart Hertz, Simon Galland, Stan Believe. Et puis donc à l'instant, et puis on va les découvrir un à un, les différents solistes de cette comédie musicale actuellement à l'affiche aux Folies Bergères. Et à l'instant, c'était donc Margot Maillet qui incarne l'héroïne de cette comédie musicale, Tracy Turnblad. Alors dans Hairspray, en fait, tout tourne autour de cette grande émission de télévision. C'est une sorte de The Voice de la danse avant l'heure, un concours de danse quotidien devant lequel se plantent chaque fin d'après-midi les teenagers en rêvant, eux aussi, elles aussi, d'y participer, et en particulier donc l'héroïne, Tracy. Voici le présentateur de l'émission et dont la façon très particulière dont il la lance. On est vraiment dans les années 60 avec ce morceau intitulé « The Nicest Kid in Town » en français, adapté par Stéphane Laporte, « Le copain de tes rêves ». Et le présentateur est interprété par Mathieu Brugot. Même dans une soufflerie de la NASA. Dès que sonne 4 heures chaque après-midi, un tas de jeunes filles viennent faire la fête ici, yeah. Ils jettent leur manteau et font la nico ringa. Et là ils bougent leur corps comme s'ils avaient le feu quelque part. Ils ne font jamais grève, ce sont les copains de tes rêves. Dès que sonne 4 heures, on vient dans ton salon. Du devoir. Une fois par mois, c'est notre jour des noirs. Alors c'est qui le roi du folklore? Mr. Corny Collins avec le son de son Baltimore. Bon. Dès que son 4 heures, laisse tout tomber. Et pourquoi lire ou écrire alors qu'on peut danser? Les copains de tes rêves, faisons l'appel. Pepper, Brad, Sammy, Barchoc, Panda, et moi, Link. Link, embrasse-moi, embrasse-moi. Moins fort, je m'entends même plus repasser. Ah, alors, si pas moi de la nuit, tu danses sous ta couette. C'est Salut les copains, façon 60s à Baltimore dans les années 60. Mathieu Brugot qui incarne eh bien, le présentateur de cette émission de télévision. Bonjour Mathieu Brugot. Bonjour. Bienvenue sur France Musique, 42e rue. Merci. Qu'est-ce que vous connaissiez de cette comédie musicale Hairspray que vous interprétez depuis 15 jours aux Folies Bergères? Qu'est-ce que je connaissais? Je connaissais bien le film, du coup, qui était sorti avec Travolta, etc. Donc Ce qui était super, c'était cette ambiance, cet humour, ce côté frais, les chansons, la dynamique, c'était voilà, ça m'a toujours beaucoup plu, et à le jouer, c'est génial, et de voir le public dans la salle, c'est aussi super plaisant. C'est le costume que vous arborez sur scène là, la petite cravate. C'est pas le costume sur scène, mais voilà, je me suis dit je vais me mettre un peu dans le thème ce matin. Oui, c'est ça, parce que tout le monde est habillé un peu années 60s. Bonjour Margot Maillet. Bonjour. Vous incarnez Tracy. Alors vous avez une plus grosse choucroute hein, sur la scène des Folies Bergères, comme. Absolument. Oui, j'ai une grosse perruque bien laquée. Quel est votre parcours? Comment on devient l'héroïne d'une comédie musicale à l'affiche à Broadway en 2018? Ah bah écoutez, j'ai fait une école de comédie musicale, l'ECM, à Paris. Mm-hmm. Et à la suite de ça, j'avais joué la première version. J'avais remplacé Lola Sess en 2011 à Cardin. Donc là, c'est un retour à cette version de Hairspray. Et entre-temps, j'ai fait le conservatoire du 9e et j'ai pris des cours sans relâche de tout. Raphaël Sanchez, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'être venu avec tout l'orchestre et toute la troupe ce matin. On est très impressionnés ici sur le plateau. C'est un plaisir. Alors la musique de Hairspray, c'est quoi? C'est un mix des années 60, c'est ça? Alors c'est un... Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Un mix des années 60-65. C'est la musique qui se faisait à l'époque, faite dans les règles de l'art par des arrangeurs de l'époque. Donc c'est extrêmement bien écrit. Donc par exemple, dans les arrangements... Alors dans les arrangements, il y a une couleur très particulière, c'est qu'on mélange des percussions classiques à cette époque-là à l'orchestre de pop, en fait, à l'orchestre rock. Donc, dès les années 60, on entend des timbales d'orchestre, ce qu'on appelle des cloches tubulaires, tubular bells, des glocks, des instruments classiques qui viennent se mélanger à l'orchestre. Donc, ça donne cette couleur très 60s, en fait, qui n'existe qu'à cette époque-là. Et les cuivres? Alors là, les cuivres sont très présents dans cette percussion. Cuivres, là, on a une trompette, un trombone, deux saxophones qui jouent tous les deux clarinettes et flûtes. Voilà, puis on a évidemment un orchestre composé des meilleurs, dont certains ont dépassé la trentaine et étaient présents à l'époque. En fait, c'est... Ils se reconnaissent apparemment. Certains d'entre eux, je pense notamment à mon ami le guitariste Jackie Tricoire, ouais. Qui est mon plus vieil ami, a joué à l'époque. Je veux dire, il sait comment faire jouer ces musiques-là. Donc le casting des musiciens était aussi important que celui des chanteurs pour cette musique-là. On peut très facilement rater ce mélange, en fait. Alors il y a aussi du blues, et je vous laisse retourner à votre piano. Je suis très impressionné par votre dispositif, vous m'expliquerez tout à l'heure. Mais tout de suite, eh bien, on continue de découvrir cette partition de Hairspray. Je disais que c'était un film et une comédie musicale qui avait un statut politique, qui racontait un petit peu... comment des jeunes dans les années 60 à Baltimore voulaient mettre fin à la ségrégation. Et il y a notamment dans cette comédie musicale une jeune femme noire qui tient un magasin de disques et qui s'occupe aussi de la fameuse émission chaque mois, de la même émission, mais donc dans laquelle les danseurs noirs peuvent venir danser. Et à un moment du spectacle, elle se met à interpréter une chanson qui parle des droits civiques. Ça s'intitule en anglais I Know Where I've Been. En français, Stéphane Laporte l'a adapté en Je sais d'où je viens. Et sur scène, c'est la très belle voix, je vous laisse la découvrir, de Laura Nanou. Des flambeaux jalonnent le chemin. Leur lumière nous éclaire le temps d'un moment. Mais je sais d'où je viens. Quelquefois, lorsqu'on tend l'oreille, une clameur s'élève dans le lointain. Dans ces voix, un pourquoi. Je prie qu'un jour quelqu'un répond. Car je sais d'où je viens. Dans mon cœur de l'orgueil, car je sais où je vais et je sais d'où je viens. Devant nous, un chemin si long. Elle s'appelle Laura Nanou, en direct au studio 105 sur France Musique, dans 42e rue, où nous avons la chance de recevoir toute la troupe de Hairspray, avec un contenu politique dans cette comédie musicale qui a été créée à Broadway en 2002, qui avait reçu à l'époque 8 Tony Awards. Il y a un autre hymne politique dans cette comédie musicale, un autre agenda, on va dire. D'abord, il se trouve que Tracy est plutôt boulotte et elle est sûre qu'elle ne pourra jamais avoir sa chance d'être retenue dans cette émission de danse de télé-réalité à la télévision. Et puis, il se trouve que sa maman, elle aussi, est un peu boulotte. Mais si vous avez vu le film avec John Travolta, eh bien vous vous rappelez que la maman de Tracy Turnblad dans Hairspray était incarnée par John Travolta, qui était assez bouffi avec plein de silicone autour de son ventre. Et eh bien, en fait, c'est tout simplement que John Waters avait créé ce personnage à l'écran en 1988, lorsqu'il avait créé d'abord un film sur cette histoire avec le drag queen Divine. Du coup, eh bien, dans toutes les productions de Hairspray à travers le monde, c'est un homme qui incarne cette femme. Et aux Folies Bergères, c'est Guillaume Bouched qui incarne donc avec verve ce petit bout de femme prête à tout pour sauver sa fille et qui gagne sa vie en fait en faisant du repassage à la maison. Voici le moment romantique du spectacle, un duo d'amour entre les parents de Tracy, Guillaume Bouched et la maman, et Gilles Vajoux est le papa. Wilbur, je me sens tellement vieille tout à coup. Oh non, Dis pas ça, ma chérie. Vivre avec toi, c'est comme un feu d'artifice. Mais oui, tous les jours, c'est... Oh, waouh, énorme. Tu es ce que je veux et ce que j'attends, Edna. T'es mon bouquet final. Tout passe, tout lasse, les modes se remplacent. Mais Edna, t'es toujours dans le coup. Un sucre et bière, la vie est plus chère. Mais ce qui compte ne coûte pas un sou. T'es comme un bon camembert, puce. Plus le temps passe, mieux t'es fait. T'es comme la grippe saisonnière, puce. Mais que ma fièvre jamais ne s'arrête. Y'en a qui disent que la vie brutalise, mais moi je ne vois pas ça comme ça. Quand j'ai le moral à zéro, je reçois en cadeau un jour de plus auprès de toi. Twist le tango, au fond même topo de ce qui change, c'est comment et où. Jamais tu seras désuète, t'inquiète, t'es toujours dans le coup. Ah, Wilbur, ouais. Tout change sans cesse, Castro nous agresse, mais Wilbur, t'es toujours dans le coup. Les cheveux s'élèvent, les biens font la grève, mais tu me trouves pimpante comme tout. T'es comme une grande cuvée de rhum, une cuvée qui vaut le détour. Alors serre-moi vite un petit magnum, qu'on lève nos verres tant qu'on y arrive toujours. Moi je dévore, mes cheveux s'évaporent, notre avenir, je le vois d'ici. Ah oui, c'est quoi ? T'auras ta moumoute, oh, moi mon bœuf en croûte, oh. Une pilule et au lit. John Wayne est très grand, Jerry Lewis est tordant, mais je préfère 10 000 fois mon loulou. Tu seras jamais ringard, canard, t'es toujours dans le coup. Allez, Wilbur! T'es la fine fleur des orcas, plus solide qu'un coupé Chevrolet. Et n'a y'a que toi pour me mettre en extase. T'es grosse, t'es vieille, mais monotone ça jamais. Certains désespèrent, mais pourquoi s'en faire? Le temps est de notre côté. Parce que ça va de soi, je reste avec toi jusqu'au jugement dernier. Maman, t'es toujours dans le coup. T'es toujours mon ancrage. Un abordage. T'es toujours dans le coup. T'es toujours dans le coup. Dans le coup, t'es toujours dans le coup. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Bonjour Guillaume Bouchède. Alors, vous êtes venu non déguisé ce matin. Bon, ouais, en même temps, c'est relâche dimanche matin. C'est ça, je suis venu en civil. C'est un rêve de comédienne incarné une mère un peu bouffie dans une comédie musicale et de chanter en même temps. Bah oui, c'est une très belle partition pour un comédien, c'est sûr. Le rôle est énorme à tous les sens du terme. On s'inspire de quoi ? De La Cage aux Folles ? Ou on s'inspire de John Travolta dans le film Hairspray ? Non, parce qu'en plus, c'est tout ce qui est scénique et filmé est quand même toujours assez différent. Donc il faut traiter les choses de façon différente quand c'est à la caméra ou sur scène. Et je crois que vous avez dit un truc très juste, c'est avant tout une maman. Une maman qui aime sa fille ou qui aime son époux. Et donc voilà, on travaille sur la maternité et plutôt l'amour de la famille que sur la féminité en soi. Alors, vous avez une saison incroyable, Guillaume Bouchel. Là, il y a 2 mois, vous étiez en train de tourner dans l'adaptation au cinéma de Edmond sous la direction d'Alexis Michalik. À l'automne, vous étiez dans Le père de famille dans La famille Adams. Vous alternez comme ça, comédie musicale et théâtre, allègrement sans... Cette année, en tout cas, oui, ça s'est passé comme ça. C'est pas toujours aussi vrai, mais en tout cas, cette année, oui, il y a eu les deux qui se sont un petit peu chevauchés, effectivement. Alors, les hasards de la programmation dans 42e rue font qu'en face de vous, vous avez un ancien partenaire de jeu. Ouais, ça, je suis très content de le voir. Jean-Paul Muel, bonjour. Bonjour. Alors, il paraît, Jean-Paul Muel, je vous ai mis à la même table, parce qu'en fait, vous êtes aussi déguisé en... J'allais dire en jeune femme, mais pas vraiment. Non, non. En vieille femme. Lui, il fait une mère, moi je fais une grand-mère. Voilà. Donc, voilà. C'est donc dans Opéra Porno, on va tout à l'heure retrouver Hairspray et la troupe et l'orchestre au complet. Mais Jean-Paul Muel, vous faites partie donc, de cette nouvelle pièce de théâtre de Pierre Guillois, très osée. Donc, racontez-nous un petit peu qui est la grand-mère dans Opéra Porno. La grand-mère est une brave femme. En fin de compte, au début du spectacle, elle a été... ils l'ont oubliée dans la voiture. En fin de compte, le fils est tombé dans le lac. La clé est électronique, donc il laisse la vieille dans la voiture pendant 2, 3, 4 jours. Enfin, on ne sait pas. Et en fin de compte, elle va arriver à sortir de la voiture, et elle va sortir de la voiture en se servant de l'allume-cigare de la voiture, en faisant fondre la porte. Mais en fin de compte, elle va faire cramer la voiture. Donc voilà. Donc en fin de compte, après, elle va retrouver sa famille, et il va lui arriver plein de... Enfin, elle va redécouvrir à un âge... une forme de sexualité, et redécouvrir les bonheurs de la chair... Grâce à son petit-fils, qui est... Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. C'est très clair et c'est très voilà. Imagé. Et donc, quel souvenir vous avez entre vous, Guillaume Bouchel et Jean-Paul Muel? Vous étiez dans la même oui, pièce de Oui, alors, la dernière fois qu'on a joué ensemble, c'était dans un autre spectacle de Pierre Guillois, qui était Le Gros Lavache et le Ménat. Exact. Et alors, comme Pierre Guillois est toujours un peu particulier, dans ce spectacle-là, Guillaume Bouchel était enceinte. Oui. Voilà. J'ai accouché depuis. Voilà. Et moi, j'étais aussi une vieille dame. Je fais très souvent les vieilles dames dans les spectacles de Pierre parce que je l'inspire en vieille dame. Et c'est toujours des vieilles dames qui redécouvrent la sexualité, en fin de compte. Donc. Oui, c'est ça. Alors, on va découvrir maintenant Opéra Porno. Donc, c'est actuellement à l'affiche au Théâtre du Rond-Point. Et je dois dire que le début est extrêmement trompeur, chers amis auditeurs et chers spectateurs dans la salle. Vous allez vous en rendre compte parce que... L'ambiance est très romantique, lumière bleutée, petite bicoque au bord d'un étang, de la verdure, musique, je dirais impressionniste, qui ne laisse vraiment rien présager. Le compositeur Nicolas Duclou est au piano, Jérôme Huil est au violoncelle, et bientôt vous verrez apparaître le père et son amie Clotilde dans cette maison. Qu'il découvre ou qu'il redécouvre. Nicolas Duclou, au piano, c'est à vous. Thank you. que je t'avais dit. Je t'avais pas menti. Et ce calme, c'est chouette, ce bloc. Un lac t'es gentil, c'est un étang. Oh. Ouais. Comme dirait Mathieu Kassovitz, jusqu'ici, tout va bien. Le père et sa copine Clotilde viennent d'arriver dans cette petite bicoque. Lieu beau, calme. Et puis voilà, le fils, Victor, arrive avec les valises. Et on voit qu'il se passe quelque chose entre lui et Clotilde. Disons qu'elle est franche du collier et lui, pas si maladroit. Et soudain, c'est le drame. Lara Neumann, qu'on avait adorée dans Mamselle Nitouche de Hervé, à l'Opéra de Toulon et à l'Opéra de Nantes, eh bien, incarne Clotilde. Flanant Aubé, régulier de la Compagnie des Brigands, incarne le fils. Et François-Michel Van der Rest, dans le rôle du père, avec au piano Nicolas Duclou, au violoncelle Jérôme Huil. La clé de la voiture est dans sa poche. Grand-mère dans la voiture et la clé de la voiture est à l'eau. On a oublié grand-mère dans la voiture et la clé de la voiture est à l'eau. On a oublié grand-mère dans la clé de la voiture est à l'eau. On a oublié grand-mère dans la voiture et la clé de la voiture est à l'eau. On a oublié grand-mère dans la clé de la voiture est à l'eau. On a oublié grand-mère dans la voiture et la clé de la voiture est à l'eau. Maman, maman, on a oublié grand-mère dans la voiture et la clé de la voiture. Flanant Aubé, Lara Neumann et au piano le compositeur Nicolas Duclou. Bonjour Flanant Aubé, bonjour Lara Neumann. Bonjour. Et j'attends que très lentement le compositeur arrive. En fait, on rentre dans le vif de cette pièce de théâtre musical, opéra porno, comme son nom l'indique, titre Le Figaro, mélodie en levrette, titre Les Inrocks, sexe en mode majeur, titre Les Échos. Donc c'est vraiment des journaux respectables qui parlent de votre œuvre. Soyons clairs, Nicolas de Duclou. De la presse nationale. De la presse nationale, bonjour. Bonjour. C'est pas un opéra porno au sens propre, tout est caché, si je peux dire. Mais par contre, tout y est, hein. Inceste, homosexualité, gérontophilie. Comment il est né, ce spectacle, hein? Il est né d'abord d'une rencontre avec Pierre Guillois, avec qui nous avions travaillé au Brigand, dans une précédente production. Et ensuite, j'avais vu le gros La Vache et le Ménate, que j'avais adoré. Vraiment un des spectacles que j'ai préféré ces dernières années. Et donc, j'avais ce vieux projet d'opéra porno et je lui ai proposé qu'on l'écrive ensemble. Et pourquoi ce fantasme? Enfin, ce projet ou ce fantasme? Parce que les chanteurs lyriques sont obscènes. Et il fallait qu'un jour, ils payent. Vous avez dit dans une interview, tout est amoureux et sexuel dans l'art du chant. C'est vous ça. Pouvez m'expliquer? C'est le seul métier où on accepte de voir des gens qui chantent à gorge déployée, des femmes avec des poitrines formidables qu'elles montrent en permanence, des messieurs qui sont dans des postures extrêmement suggestives. On trouve ça normal. Alors il fallait aller jusqu'au bout du fantasme et montrer cette véritable pornographie. Et Pierre Guillois dit carrément que de toute façon c'est dans la tradition du théâtre grivois, sauf que, j'adore ce qu'il dit, on a poussé le bouchon un peu plus loin, époque voilà. Oblige. Parce que la pornographie est partout, donc du coup autant pas se gêner, c'est ça que vous êtes en... C'est ça, en vérité c'est une opérette ou c'est une pièce de boulevard avec beaucoup de musique. Mais on a poussé la blague, il a poussé la blague jusqu'à montrer ce qui se cache derrière les portes d'habitude. Ouais, quelles limites vous êtes imposées ? Alors, je ne peux pas vous les dire, les limites, parce qu'elles étaient vraiment épouvantables. Mais sachez que c'était, ça allait très, très, très loin. Ah, vous avez censuré des choses quand même ? On s'est auto-censuré. Ah oui, carrément. Flânant Aubé, Laura Neumann, ça fait quoi de chanter en même temps qu'on fait certains actes sur scène ? En fait, c'est très technique. C'est drôle parce que ces derniers temps, les gens nous disent « Alors, vous avez vraiment bien dû rigoler dans les répétitions. » Et en fait, passer les premières lectures où, évidemment, il y a de l'amusement, de l'effroi aussi, de se dire « Oh là là, donc là, à ce moment-là, je monte mes fesses. » Et en même temps, évidemment, il y a aussi du rire dans tout ça. Mais après, avec Pierre, qui est quelqu'un de très précis et qui est très technique dans ce qu'il nous demande, très vite, on était dans la technique, dans le souci du rythme, de la précision. Et puis, la musique de Nicolas Duclos est aussi, demande aussi beaucoup de précision. Alors, j'ai demandé à un homme et je voudrais avoir le regard d'une femme sur cette œuvre. Je suis exactement d'accord avec Flânant. C'est vrai que c'est technique de faire tout ça. Et je pense surtout qu'il ne faut pas réfléchir à ce que vous faites. Ah ouais, moi, je crois que vraiment, venez voir. Je ne peux pas dévoiler, mais il y a des scènes où non, il ne faut pas réfléchir. Et il faut y aller, il faut être dans le personnage, j'ai tracé. Alors on va pas pouvoir tout. Je vous laisse aller de Nicolas à votre piano parce qu'il est à l'autre bout. Alors le temps que vous arriviez, j'ai le temps juste d'expliquer qu'en gros, on va pas pouvoir tout passer ce matin à 11h du matin, 11h38, un dimanche de Pâques sur France Musique. Mais on a trouvé que le morceau qui suit, au tout début de la pièce, avant que ça change encore un petit peu, pouvait être diffusé. Alors. Je sais pas, chers amis auditeurs, vous nous direz. Flânant et Lara, le fils et la copine du père sont sur un bateau, une barque. Et le père est à terre, il va se sectionner le doigt sans le faire exprès, à force de regarder à la jumelle ce que font les deux sur cette barque. Un quatuor qui s'intitule le quatuor de la Tanche. Prends ta canne, Victor. Ma canne. Ce ne serait pas le moment de pêcher un peu sérieusement? J'aimerais tellement attraper une tanche. Clotilde, sa tangue. Oh, c'est si bon, la tanche. Bien que sa tangue, ça vous tente une tranche de cette tanche. Bien que sa tangue, ça tente. Dans le plongeon du petit bouchon. Depuis le temps que je tends cette perche de la pêche. Perche au tanche, on s'en balange, carpédier, c'est idem. Perche au tanche, on s'en balange, carpédier, c'est idem. Perche au tanche, on s'en balange, carpédier, c'est idem. Ouh, un hippocampe. Ouh, ça penche, attention, c'est pas étanche. Sur cet éton, il est grand temps que tu embroches ta belle tanche. C'est un brochet, c'est un brochet. Vive la pêche et les moulinets. Mais que font-ils dans cette barre? Oh. Ah, si ces épines ne piquent pas. Oh. J'y vois que d'aller ce soleil m'empêche de voir. Oh. S'il la pine ou pas. Bien que sa tangue, c'est un temps, une tanche de cette tranche. Mais que font-ils dans cette barque? Si ces épines ne piquaient pas, j'y vois que dalle et ce soleil m'empêche de voir s'il lapine ou pas. À quoi qu'il pense, qu'est-ce donc qu'il fout? Maudits ingrats, aux vilaines engeances. Mais qu'est-ce qu'il branle? Où sont-ils tous? Horrible, Clotilde. On aurait dit une bête prise dans un piège. Ce n'est rien, Victor. C'est ton père qui s'est coupé un doigt avec son sécateur. On vous racontera pas ce qui va se passer avec le doigt. Si on pourra dire que la grand-mère le prendra pour un M. Mais il faut aller voir la suite au théâtre du Rond-Point. Je vous assure qu'on va censurer le reste de la partition et des textes de Pierre Guilloy. On peut pas faire autrement. Mais par contre, Nicolas Duclou est venu avec une autre... La pièce est interdite au moins de 18 ans, donc voilà. Mais Nicolas est venu avec une autre partition qu'il avait composée. C'était dans un autre registre, l'adaptation du songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Et voici un duo interprété par Flannan O'Bé et Lara Neumann, parce qu'ils sont là et on voulait en profiter de leur voix, de leur belle voix en direct sur France Musique. Viens, ma reine, prends-moi la main, faisons trembler le sol où ces dormeurs reposent. Toi et moi, désormais, nouons une amitié nouvelle. Et demain, à minuit, à l'heure solennelle, nous irons chez Thésée danser la danse triomphale pour bénir le palais ducal où les très fidèles amants réunis deux à deux seront mariés comme Thésée. Et tous seront joyeux. France Musique, 42e rue, Laurent Vernière. Et on vous conseille vivement, si j'ose dire, d'aller voir Opéra Porno de Guillaume Duclou et Pierre Guilloy au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 22 avril. Recommandé, je le disais, par Les Inrocks, les Échos, Le Figaro et entre autres par Julie Depardieu, c'était mercredi dernier sur France Musique et dans 42e rue. On va maintenant retourner avec nos amis de Hairspray, la comédie musicale, qui sont en train de s'installer sur scène. J'en profite pour vous annoncer qu'on a appris cette nuit la disparition du grand ténor français Michel Sénéchal, dont on se rappelle de ses prestations notamment dans les partitions de Maurice Ravel et notamment L'Enfant et les Sortilèges, et aussi dans sa prestation dans les Côtes d'Hoffmann de Patrice Chéreau, enfin mise en scène par Patrice Chéreau à l'Opéra de Paris. Et bien sûr, France Musique reviendra largement sur la disparition de ce grand ténor aujourd'hui et également à partir de demain et de mardi. On retrouve maintenant la troupe de la comédie musicale en direct, Hairspray. Je voudrais juste être sûr de ce qu'on va faire avec mon ami Raphaël Sanchez. On est bien d'accord qu'on fait le Madison maintenant. Voilà. Hairspray, plongée colorée dans les années 60, actuellement sur la scène des Folies Bergères, comédie musicale de Marc Scheinman, 8 Tony Awards, je vous l'ai dit, et notamment une reconstitution parfaite de cette ambiance colorée des années 60, avec une héroïne, avec des coiffures qui ressemblent vraiment à ce qu'on portait à l'époque sur la tête. La musique est dirigée ce matin par Raphaël Sanchez. Et il y a de très beaux instrumentaux et de très beaux morceaux de danse, comme ce Madison, qui nous plonge vraiment dans les années 60. Bye. Vous êtes bien sur France Musique. En ce dimanche de Pâques à 11h49, on fait la fête avec deux troupes de comédie musicale. À l'instant, c'était la troupe de Hairspray, son orchestre au complet. Nous allons maintenant vous proposer un morceau qui plonge vraiment dans les années 60. Vous savez, cette jeune fille un peu boulotte, Tracy Tumblad, dans cette histoire inventée par John Waters, rêve d'être sélectionnée dans cette émission de danse à la télévision. Mais voilà, elle est un petit peu boulotte. Malgré tout, elle va réussir à se faire... Ben oui, elle est un peu boulotte. Pourquoi vous riez, Margot Maillet ? Ce n'est pas votre cas, mais le personnage dans le film est boulotte. Et donc, elle va néanmoins réussir, par un miracle, on ne sait comment, à se faire embaucher. Et elle va du coup faire la révolution dans cette émission de télévision. Et alors du coup, une fois qu'elle est embauchée, elle devient évidemment une star à la télévision. Et donc, les agents appellent. Et donc, la maman va un peu s'occuper de tout ça. Il va bien falloir, alors qu'elle n'a pas vu le jour, elle n'est pas sortie de chez elle depuis des dizaines et des dizaines d'années, en tout cas des années et des années, à faire juste du repassage, il va bien falloir qu'elle découvre un petit peu la vie autour d'elle. C'est un titre qui s'intitule... Bienvenue dans les années 60, welcome to the 60s, c'est Guillaume Bouchède qui est la maman et Margot Maillet qui est Tracy Tumblad. D'abord, je prendrai bien 2-3 hot dogs. Allez, maman, faut saisir ta chance. Chérie, depuis le temps, je comprends plus rien à la danse. Plus de mais, prends ma main vite. Trouve-les ces rayons de lumière. Oui, je sais que la terre tourne bien vite, mais faut faire la course avant de finir première. Allez, maman, rejoins les Sixties. Oh, oh, oh, oh, oh. Baby, je les ai bien nus. Je suis la plus jolie poulette qu'on ait jamais vue. Hey Tracy baby, je suis remise à neuf. Sûr que mes rives vont faire leur effet bœuf. Plus de mer, un micro vite, bien y faire. Dans un beau tapis roux. Oui, je sais que la tête tourne bien vite. Sauf qu'à Lorraine, il va falloir que tu te bouges. Allez, maman, besoin d'exister. Oh oh oh oh oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o Welcome to the 60s, Hairspray, la comédie musicale est actuellement à l'affiche au Théâtre des Folies Bergères. Et on se quitte avec le numéro final de cette comédie musicale, une ode à la vie, au bonheur, à la musique, la grande réconciliation, parce que voilà, la suite de manifestations dans la rue, cette émission de télévision de Baltimore va s'ouvrir à la population afro-américaine. Et figurez-vous qu'en plus, les sondages montent en flèche, donc tout le monde est content et tout le monde danse. You can't stop the beat, direction musicale sur France Musique en direct du studio 105, Raphaël Sanchez. Rien n'arrête une avalanche qui dévale en bas de la pente. Et personne n'arrête le temps qui court, mais essaye si ça te chante. Et c'est pas toi qui arrêteras mes pieds quand je suis d'humeur dansante. Car la terre elle tourne et tourne encore. Le temps passe et l'amour va toujours plus fort. Et ce soir j'ai le cœur en pierre et le corps en joie. You can't stop the beat. Et depuis que le monde est monde, comme elle secoue son corps, une femme secoue les hommes à la ronde. Alors ce soir j'écoute plus que ce cyclone qui gronde. Sa niche, rien n'arrête non plus mes maxillaires quand je sens une part de quiche. Moi je sais qu'un jour demain mettra dans mes plans dans le même sac. Car la terre elle tourne et tourne encore. Le temps passe et l'amour bat toujours plus fort. Et ce soir j'ai le cœur en pierre et le corps en joie. You can't stop me. Que ce soit pour un peu d'ambiance, l'homme et la femme ça ne veut rien. Alors ce soir, je sors l'équipe et prends ma main, j'ai confiance en toi. Il y a un arrêt du vent, de l'océan ni la poussée de la sève. Il y a un arrêt du jour où tout devient comme dans un rêve. Et personne jamais n'arrêtera l'amour qui se lève en moi. Mathieu Brugo, Bastien Jacquemart, Margot Maillet, Laura Nanou, Gilles Vajoux. À découvrir, à retrouver au Théâtre des Folies Bergères dans Hairspray jusqu'au 15 avril et Opéra Porno à découvrir jusqu'au 24 avril au Théâtre du Rond-Point de Jean-Michel Ribes. 42e rue. C'était filmé par les équipes vidéo de France Musique. Vous pourrez regarder postcaster très vite 42e rue. Notez que le prochain cabaret recevra le Duke Ellington Orchestra de Laurent Mignard pour toute une émission de Mary Poppins. Enfin, on vous conseille mardi d'aller voir le retour de Swing de Laurent Pelly au théâtre de Suresnes. Tout un spectacle autour de jazz et de la chanson française à ne pas rater. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique proposée par Laurent Vallière avec autour de moi une superbe équipe. Nadège Antonini, Alison Ascrisi, Stéphane Desmond, Jean-Michel Després, Julie Garraud, Régis Nicolas, Isabelle Bureau, Guillaume Deblède, Antonin Lafreda, William Manzoni, attaché de production Marie-Christine Ferdinand, Martine Monnier, réalisation Fabien Fleura. Restez avec nous dans un instant pour retrouver Jean-Baptiste Urbain. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.